Amis auditeurs, amis auditrans, amis auditrices, bonjour. Voici une petite mise au point sur le mouvement Kink, un courant culturel éphémère mais largement influé au-delà des années 70-80. Le mouvement Kink est parfois associé à une philosophie sociale, plus ou moins élaborée, comme en témoignait dernièrement le film Le Grand Soir, 2012, mais l'image du Kink oisif semble être tout aussi bien ancrée dans les représentations. L'ouvrage du sociologue Fabien Heine, qui prolonge son précédent livre Ma petite entreprise Kink. Sociologie du système D, s'inscrit en faux contre cette prénotion. Heine pose d'entrée de jeu le lien intrinsèque entre le genre musical Kink et le Do It Yourself, défini comme « disposition humaine tendue vers la résolution de problèmes pratiques » ou « forme d'intelligence pratique dont la mise en œuvre s'effectue sans perte d'énergie, ni de temps et sans l'aval d'aucune instance ». Pour analyser cette relation, il propose trois mouvements. Le premier débute avec l'émergence de la scène Kink dans les années 1970 où sévissent des groupes comme les Ramones ou les Sex Pistols. Puis, il envisage l'entrepreneuriat Kink en lien avec sa portée politique via la diffusion du modèle organisationnel Do It Yourself. Enfin, il termine sur une réflexion relative à l'indépendance du marché Kink Rock, son possible statut de contre-culture et ses limites. Le Kink naît dans le milieu des années 1970 à New York, même si le mot apparaît dès 1971. En 1976, il s'importe en Grande-Bretagne, Londres devenant rapidement l'épicentre du mouvement sous l'égide des Sex Pistols, de The Clash ou de The Damned, ce qui ne va pas sans causer une panique morale, dans la classe politique en particulier. Cela n'empêche pas pour autant son adoption et son adaptation corollaire dans le monde entier. Heine parle d'un effet Sex Pistols, formé en 1976, qui conduisent, par leur radicalité, au lancement d'autres groupes. Certains se mettent à faire de la musique alors que d'autres se lancent dans l'aventure éditoriale du fanzine à la suite du titre Sniffin' Glue, qui encourage ouvertement ses lecteurs à faire de même, préfigurant d'une certaine façon le web collaboratif. Plus largement, la vulgate Kink vise à une démystification du processus de production culturelle, tout le monde peut être créateur, maîtriser toute la chaîne de production et pas seulement l'aspect musical. L'indépendance est valorisée, la passivité refusée. Un inscrit cette philosophie Kink dans la démocratisation de l'action de création, qui procure également un formidable élan aux femmes. Le Kink est parallèle, tout comme il accompagne, les revendications différentielles, homosexuelles, libération des femmes ou lutte contre le racisme, dans un contexte de frustration sociale due à l'arrivée de politiques économiques ultralibérales. Les réactions de type laboratoire de l'informatique du parallélisme, l'occupation du Larzac ou de Plogoff, sans compter le mouvement autonome turinois et la violence des « années de plomb », font écho à la révolte des Kinks, qui choisissent eux aussi de prendre leur destin en main. Toutefois, comme le souligne Fabien Heine, en Grande-Bretagne la révolte est paradoxalement moins politique que culturelle. C'est une philosophie ayant l'action pour postulat qui est mise en avant par le mouvement Kink, avec les écueils qu'elle comporte, vide ou trop plein. De fait, cette hypercentralité de l'action semble indissociable d'une dynamique participative, héritière de Dada et du situationnisme 2. Pour les Kinks, il est possible de réinventer complètement son existence, ses nouvelles aspirations individuelles étant à replacer dans le contexte des 30 glorieuses qui ont permis leur développement. C'est là que rentre en jeu le Do It Yourself, synonyme d'autonomie et d'indépendance. Dans la seconde partie de son ouvrage, un analyse, l'émergence d'entrepreneuriat Kink, revendiqué, qui débute en 1977 avec Spiral Scratch, le premier disque auto-produit de l'histoire par les Buzzcocks sur leur propre label. Fabien met bien en lumière les similitudes entre cette forme d'entrepreneuriat et le « nouvel esprit du capitalisme », trois qui met en avant la créativité. Dépassant les clichés habituels sur le Kink, Heine rappelle que les groupes Kink sont des bourreaux de travail, puisqu'ils doivent presque tout faire eux-mêmes. Ce Do It Yourself pratiqué et communicatif se veut pédagogique, comme en témoigne la profusion de guides, qui vise à partager le savoir-faire. Cette émancipation portée par le Do It Yourself devient aussi le véhicule de revendication identitaire évoqué précédemment. Ayn s'attarde ainsi sur les groupes punk féminins et homosexuels, les « quoi punk », qu'il considère comme résultant d'un « processus de prise de conscience indissociable d'un engagement Do It Yourself ». Il ne faut pas pour autant surestimer la conscience politique du punk, qui reste souvent limitée puisque focalisée sur le rejet. Lorsqu'il y a engagement politique, il se fait souvent sur des lignes de démarcation classiques, gauche-droite, traversant le mouvement lui-même. Encore une fois, c'est l'action qui prime. Un propose une typologie d'activités relevant du do-it-yourself, autoproduction, autodistribution, autopromotion et autogestion, qui ont pour conséquence des autolimitations, d'ordre économique, peu de moyens, structurels, faible croissance possible, confidentialité de la production et éthique. Certains groupes finissent par quitter le giron du do-it-yourself en signant avec des majors. Le do-it-yourself n'est alors qu'une étape vers le succès dans la carrière des musiciens. Cette récupération est d'ailleurs le cas pour la majorité des groupes, marquant ainsi la fin de la dynamique contre-culturelle du punk, et cela dès 1977. Certains, comme Conférence romande des affaires sanitaires et sociales, persévèrent toutefois dans l'indépendance. Ayn estime que leur démarche peut être comprise en faisant appel à la typologie de Max Weber, l'authenticité étant une action rationnelle en valeur alors que la nécessité, l'attachement viscéral à la musique punk, une action rationnelle en finalité. Ces groupes qui visent à préserver une forme de contre-culture s'inscrivent dans un « contre-marché », montant leur société telle que Conférence romande des affaires sanitaires et sociales Record ou Discord Record, États-Unis, où les artistes ne signent pas mais sont accompagnés dans la production et la diffusion de leur musique. Le groupe Fugazi, malgré sa grande popularité, refuse la promotion commerciale que lui procurerait un contrat avec une major. Ainsi, les parcours sont variés pour les groupes punk, passer de l'indépendance à la major, se cantonner dans la réaction face à une possible absorption qui se termine souvent dans un anticapitalisme stérile, ou utiliser le système contre le système, ce qui annonce pour un l'économie, sociale et solidaire, qui se développe actuellement. Plus largement, les irréductibles du do-it-yourself se distinguent grosso modo entre partisans européens de l'anarchisme, Penny Rimbaud de Conférence romande des affaires sanitaires et sociales, qui veut changer le monde, et le pragmatisme américain, Ian MacKay de Fugazi, qui veut que l'individu se change d'abord lui-même. Cette fidélité au do-it-yourself conduit certains groupes ou fanzines à s'ériger en entrepreneurs de morale, garants de l'orthodoxie face au succès commercial. L'indépendance se traduit souvent pas une éthique de la frugalité. Les bénéfices du Do It Yourself sont d'ailleurs plus symboliques que financiers à cause de l'autolimitation que les groupes pratiquent, même s'ils ne sont jamais complètement indépendants et bien souvent dépendants des filiales des majors pour leur distribution. Toutefois, il y a un pas que les Sex Pistols, métonymie du punk, n'ont pas hésité à franchir en exploitant intensivement et cyniquement sur un mode capitaliste leur image, tout comme Iggy Pop, désormais habitué des spots publicitaires. De même, le renouveau des années 1990, Nirvana, Green Day ou Offspring, s'accompagne de campagnes financées par des marques autour de la pratique du skate, Vans, Eastpak, ce qui fait dire à Ayn que, à bien des égards, le punk rock est désormais un produit de consommation courante, avec ses célébrités, ses standards et ses instances de célébration. Finalement, peut-être que le DY contenait déjà les germes de son futur détournement avec son insistance sur l'individu comme entrepreneur de lui-même, Michel Foucault. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.